Bosco, Douiman. Bonjour à tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont une arme à double tranchant, selon le ministre en charge de la sécurité, Alain-Guillaume Bougnoni. Ce matin, en visite à l'exposition dédiée à la semaine d'été ici, a aussi affirmé que ces technologies leur sont utiles pour prévenir certains forfaits de criminels. Vous l'entendrez dès le début dans ce journal. Et le Conseil national des Bashingantahe regrette de n'avoir pas été écouté suffisamment pour éviter la crise dans laquelle le Burundi se trouve depuis une année déjà. À quelques heures de la reprise des négociations inter-burundais à Arusha, le président de cette institution appelle les Burundais à mettre en avant la paix et la sécurité. Un homme a été surpris avec une grenade lorsqu'il avait l'intention de la dégoupiller ce mardi sur la colline de Rubira en commune Manda. La population de la localité s'étonne que son directeur d'une école fondamentale reste toujours en liberté. Et nous reparlerons également du mouvement de Burundais refoulés du Rwanda qui continue. Même hier, une vingtaine sont rentrés passant par le poste de frontière de Gasenyi-Nemba. Ils rentrent sans leurs affaires comme a pu le constater notre envoyé spécial et ils demandent de laisser passer pour y retourner afin de récupérer leurs biens. C'est un reportage d'Evariste Nzikobanyanga. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonjour. Le Conseil national des Bashingantahe appelle les Burundais à mettre en avant la paix et la sécurité lors des prochains pourparlers afin de mettre fin à la crise qui vient de durer déjà plus d'une année au Burundi. Selon l'ambassadeur Balthazar Habonimana, président de cette institution, les Burundais sont fatigués des crises répétitives qui font que le pays soit en arrière au regard des autres pays de la sous-région et de l'Afrique en général. Ce pays a des potentialités de richesse non exploitées, mais qui devraient contribuer fortement au développement du peuple. Il le dit à la veille des pourparlers prévus à Arusha, en Tanzanie. Le président du Conseil national des Bashingantahe regrette dans le même temps que cette institution n'ait pas été écoutée alors qu'elle avait des conseils, elle avait donné des conseils à maintes reprises pour éviter ce qui, malheureusement, est arrivé. Plus d'une voix s'était exprimée pour tenter de prévenir ces situations dramatiques, parce que nous les avions vues venir, en tout cas au niveau du Conseil national de Bashingantahe, et nous avions fait entendre notre voix pour dire zut, cette pente sur laquelle on est en train de marcher est une pente glissante, qu'il fallait l'éviter à tout prix. Malheureusement, que ce soit notre voix ou même celle d'autres qui s'étaient exprimées à l'époque, n'ont pas été écoutées. Et la conséquence, on la voit aujourd'hui. Vous parlez du dialogue, et s'il advenait que les négociations reprennent entre protagonistes à Arusha, quelles devraient pour vous les priorités dans les discussions? Je pense que ceux qui vont participer et donc à ce dialogue sont suffisamment avisés pour déterminer eux-mêmes les questions prioritaires sur lesquelles ils vont mettre en avant. Ce sont des gens qui connaissent parfaitement la situation qui prévaut au Burundi, qui connaissent les défis qui doivent être élevés. Mais en tant que simple citoyen burundais, en tant que membre de l'institution de Bashingantahe, je pourrais dire que la chose pour moi la plus importante, c'est de tout mettre en œuvre pour amener la paix et la sécurité dans ce pays. La paix et la sécurité, ce sont des conditions qui me paraissent tout à fait indispensables pour entreprendre quoi que ce soit dans notre pays en termes de développement. Le Burundi est un pays qui dispose d'énormément de potentialités, mais qui est en train malheureusement de reculer sur tous les plans. Les indicateurs socio-économiques que l'on observe sont tous au rouge, ce qui fait que les Burundais devaient travailler pour la sursaut nationale, essayer de redresser la barre et le faire à temps pour que nous ne soyons pas les derniers de tous les pays qui nous environnent de l'East African Community. Cela est important et cela me paraît extrêmement urgent. Pour moi, il n'y a pas de minute à perdre. C'était le président du Conseil national des Bashingantahe, Balthazar Habonimana, au micro de Léonce Witariho. C'est le même appel qui a été lancé par certains habitants de la province Cibitoke qui demandent à tous ceux qui vont prendre part à ces négociations de ce 21 mai à Arusha de mettre en avant l'intérêt du peuple et le rétablissement de la paix dans les meilleurs délais. Suivez-les. Leurs propos ont été recueillis par notre confrère Bahati Jackson. Comme un citoyen burundais, les négociateurs doivent mettre d'abord en avant, vu la situation actuelle, c'est le dialogue intensif, sans ignorer aucun parti politique. Des attentes pour nous, nous avons besoin de la paix durable, que tous les Burundiens auront la paix. Et dans l'avenir, les Burundis doivent avoir une liberté totale dans notre pays, sans toutefois faire les choses et qu'on a vécu dans les mois passés jusqu'à aujourd'hui. Nous demandons les négociateurs de mettre en avant un dialogue inclusif. Les négociateurs doivent être des hommes intègres, des hommes de roi, penser à l'intérêt général de la nation. C'est la sécurité, c'est l'économie, c'est le social, tout ce qui relève de la bonne manière. C'est ça que les négociateurs doivent mettre en première place. Ils doivent songer à ce que le Burundi soit une nation prospère, une nation qui est conviée par tout le monde. Les partenaires extérieurs peuvent venir investir quand il y aura la paix. Nous attendons qu'à la fin de ces négociations, le Burundi recouvrira la paix. Je pense que les politiciens burundais doivent avoir un cœur dur, un cœur qui les appelle à songer au petit peuple qui vit dans les campagnes, dans les montagnes d'ici et là, à ne pas songer à leurs intérêts, mais songer aux intérêts nationaux. Et vous savez bien, si les négociateurs mettent en avant leurs intérêts personnels au détriment d'un peuple, ce serait vraiment dommage. Comme ça, je pense qu'ils auraient oublié leur mission première. Je leur demanderais d'être vraiment consentants pour que le peuple burundais ait la paix et la sérénité. Mes ententes primordiales, il faut que nos politiciens s'entendent tout d'abord. À ce même moment, le peuple étant un élément principal d'un politicien, il a besoin de la paix, il a besoin de sécurité. Je voudrais faire un clin d'œil aux politiciens. Pas de politiciens vraiment sans peuple. Tout comme il n'y aura pas d'enseignants sans apprenants. Et ainsi, il n'y aura pas de menuisier sans planche. Voilà, c'était le micro-baladeur de notre confrère de Cibitoke, Kebahati Jackson. Nous ouvrons la rubrique sécurité, ou plutôt insécurité, pour vous dire que la police a effectué le matin de ce jeudi une fouille perquisition dans cette zone de la mairie de Bujumbura. Et des coups de feu ont été entendus cette nuit à Gihanga sans faire de dégâts. Et les cours ont été perturbés ce jeudi au lycée communal de Mugamba. Ce condensé nous est fait par Marie-Ange Zaïma. Ces échanges de tirs ont eu lieu à la 6e avenue de la commune Gihanga, en province Bubanza. Les sources administratives et policières à Bubanza concordent sur le fait qu'il s'agissait de heurts qui ont opposé les forces de l'ordre en patrouille et un groupe armé non encore identifié qui était à cet endroit. Il n'y a pas eu de dégâts humains, mais un sac contenant 4 grenades et d'autres effets militaires et policiers a été saisi. La police a procédé le matin de ce jeudi à une fouille perquisition dans 4 zones de la mairie de Bujumbura, dont la zone Ngagara, Mutakura, Nyakabiga, Bwiza, Buterere, Musaga et Kanyosha. Le porte-parole adjoint de la police nationale, Moïse Ngunziza, fait savoir que le résultat de ces fouilles n'est pas encore connu. En commune Mugamba, au lycée communal, les cours ont été perturbés ce jeudi. Un élève du nom d'Ernest Ngunzimana, qui pose problème au dit lycée, s'est accompagné des forces de l'ordre au cours. Les autres élèves ont alors crié et sorti des classes. Après cet incident, le comité élargi de discipline, les professeurs et encadreurs, y compris le comité de gestion de l'école et les forces de l'ordre, se sont réunis pour étudier ce cas, comme certains éducateurs du lycée communal de Mugamba nous l'ont confirmé. Cet arrêt momentané des cours avait également eu lieu ce mardi sur ce lycée. Le directeur de cette école avait demandé aux parents de cet élève de se présenter à la direction pour mettre au clair cette situation. Mais les parents d'Ernest Ngunzimana n'ont pas répondu à cet appel, comme le confirment les sources éducatives. Merci, Ange Zeymana. En direct dans ce journal, un homme a été surpris avec une grenade lorsqu'il avait l'intention de la dégoupiller ce mardi sur la colline de Rubira, en commune de Manda. Comme l'indiquent des témoins sur place, les policiers ont pu récupérer l'arme avant que le crime ne soit commis. Mais la population de Rubira s'étonne que son directeur de l'école fondamentale reste toujours en liberté. Spes Caritas Kabanyana. C'était ce mardi au moment où Sindayigaya Désiré, directeur de l'école fondamentale de Rubira en commune Manda, a été attrapé en détention d'une grenade. C'est le fils d'un certain Gérard Nivangouye qui était menacé, comme le souligne son père, et qui a donc alerté la police. Les policiers, en compagnie du chef de colline, ont pu récupérer l'arme avant que le crime ne soit commis. Et les habitants de cette colline de Rubira s'étonnent de voir le présumé coupable en liberté jusqu'à aujourd'hui. Le chef de colline, Savimana Léonard, précise qu'il a fait ce qu'il a pu à son niveau et que le reste appartient à la justice. De son côté, Nivangouye Gérard, dont le fils était menacé, passé et qui dit qu'il est en conflit foncé avec le présumé coupable, Niar, qui lui a demandé pardon et qu'il a laissé tomber l'affaire. Quant à Sunda Igaya Désiré qui détenait la grenade, il nous a répondu ne rien connaître de cette histoire avant de raccrocher son téléphone. Merci Spé, c'est une personne est morte et 4 autres ont été grièvement blessés dans un accident de roulage sur la route Bujumbura-Rugombo ce jeudi. Il s'agit d'un véhicule qui transportait une famille pour un enterrement à Rugombo et arrivé à Nyamitanga, il a connu une crevaison de pneus et été renversé plusieurs fois selon les témoins sur place. Il est 13h07 à Bujumbura. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont une arme à double tranchant. Celles ne sont pas bien utilisées, cela a été dit ce jeudi par le ministre de la Sécurité publique. Après avoir visité les stands de certaines compagnies opérant dans ce secteur dans une foire organisée du 17 au 20 mai dédiée au TIC, le ministre Alain-Guillaume Bougnoni indique qu'il doit y avoir un système de protection pour éviter la cybercriminalité du côté des utilisateurs et des fournisseurs de cette technologie. Le TIC, c'est un outil très très important dans le développement du pays qui a rendu actuellement les dimensions mondiales à l'échelle d'un village parce que le flux de communication il est très rapide et on peut travailler, communiquer, être proches les uns des autres en un petit laps de temps. Nous voulons informer et rappeler les gens que les TIC peuvent devenir un couteau à double tranchant lorsque effectivement les gens qui utilisent les fruits de cette technologie le font de façon malhonnête ou le font d'une mauvaise façon. Nous avons constaté qu'effectivement, il y a des réseaux de cybercriminels qui effectivement utilisent les TIC pour perturber les informations des autres, pour entrer dans les systèmes de communication des utilisateurs des TIC et pour changer l'information qui est communiquée et qui utilisent les TIC pour effectivement fausser les transactions bancaires ou même entrer dans les transactions dans les banques à travers les TIC et commettre des vols et des forfaits. Et là, c'est pour dire aux gens que ce soit les utilisateurs des TIC, que ce soit les fournisseurs de ces services, qu'il faut des systèmes de protection pour que effectivement cela ne cause pas préjudice aux utilisateurs ou aux fournisseurs eux-mêmes. Le ministre Alain-Guillaume Bougnoni confirme que son ministère, en collaboration avec l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications, ARCT, et d'autres compagnies, ont déjà appréhendé certaines personnes qui se cachent derrière les TIC pour commettre des bavures. À travers le monde, il y a un développement de systèmes de contre-piratage par rapport à l'utilisation des TIC, qui est aussi d'actualité dans notre pays. Là, je vous informerai que effectivement, les gens qui se cachent derrière les TIC pour commettre des crimes relatifs, ils sont appréhendés. Ils sont retracés en collaboration avec les compagnies de téléphonie mobile, en collaboration avec les fournisseurs des services d'Internet, en collaboration aussi avec l'Agence de régulation des télécommunications. Le ministre Alain-Guillaume Bougnoni, dont les propos ont été recueillis par Mireille Kanyang. Et presque toutes les lois qui touchent sur l'économie du pays doivent être amendées pour mettre en application les projets relatifs au marché commun de la communauté est-africaine. Et c'est le secrétaire permanent au ministère en charge de l'intégration du Burundi dans cette communauté qui le dit. Jean Rigui dit que certaines lois nationales sont restrictives et empêchent l'accomplissement de certains projets suivants. Concrètement, nous voudrions procéder à une révision de nos lois qui apparaissent restrictives ou alors qui, à certains égards, sont incompatibles avec le droit de la communauté est-africaine. Nous avons un système de common law pour la communauté est-africaine et nous avons un droit civil au niveau de notre pays. Et dans certaines appellations, par exemple, dans certains intitulés, et même dans certaines dispositions de nos lois, il y a des incompatibilités qui doivent être amendées. Citons toujours l'exemple de l'investissement. Quand vous dites que l'investissement au Burundi où la constitution d'un capital doit être nationale, l'étiquette, l'adjectif national limite les possibilités de profiter de l'investissement régional et même international par cette appellation de national. Nous voudrions donc inventorier tous ces petits détails qui apparaissent anodines dans leur aspect, mais qui sont fondamentalement restrictives pour la mise en application du marché commun de la communauté est-africaine en particulier, mais aussi du traité portant création de la communauté est-africaine de manière générale. Quelques nouvelles brèves nationales et internationales avant de retrouver notre envoyé spécial à Kirundo. Le marché central de Rumonge a été encerclé par la police au jeudi matin. L'administrateur communal de Rumonge indique que c'était une mesure prise pour contraindre les commerçants à répondre à une réunion qu'il avait organisée à leur intention. Cette réunion n'a pas eu lieu et a été reportée pour un autre jour. En actualité africaine, parti de Paris ce mercredi 18 au soir à destination du Caire en Égypte, un Airbus A320 de la compagnie Égyptaire s'est écrasé en mer Méditerranée près de l'île grecque de Karpathos dans l'espace aérien égyptien après avoir disparu des radars pendant la nuit pour des raisons encore inconnues. Il y avait 66 personnes à bord, dont 30 Égyptiens et 15 Français. Parmi les passagers se trouvaient également un enfant et deux nourrissons. Une cellule de crise a été mise en place à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle. Le ministère égyptien de l'aviation civile et la compagnie aérienne ont annoncé que des équipes de recherche et de secours avaient été dépêchées sur les lieux. La Grèce, que l'avion a survolé, participe aux recherches de cet appareil mis en service en juillet 2003. Et au Mali, l'Office central des stupéfiants a mis la main sur 2,7 tonnes de cannabis quand un réseau de trafiquants déchargé près de Bamako. Des arrestations se sont poursuivies mercredi dans la capitale malienne et à Accra, au Ghana, lieu de provenance de la drogue. La drogue, d'une valeur marchande estimée à environ 100 millions de francs CFA, soit plus de 152 000 euros, est la plus importante saisie de drogue des 20 dernières années dans la capitale malienne et sa périphérie. Elle était dissimulée sous forme de balles de friperie et caché dans un camion de transport. Enfin, 32 membres des forces du gouvernement d'Union nationale libyen ont été tués ce mercredi dans un attentat à la voiture piégée et des combats avec le groupe État islamique à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Sirte, le bastion des djihadistes dans le pays. Venons-en maintenant au reportage avec notre confrère Évariste qui se trouve au nord du pays. Les effectifs des Burundais refoulés du Rwanda augmentent du jour au jour. 29 ont été refoulés dans l'après-midi de ce mercredi et sont entrés par les bureaux de la PAF Gasenyi-Nemba à la frontière burundo-rwandaise. Ces Burundais sont rentrés bredouille comme ceux refoulés depuis samedi de la semaine dernière. Et ces derniers ne demandent que l'octroi des papiers qui leur permettraient de retourner au Rwanda pour récupérer leurs biens. Évariste Nzikobanyanka est à Kirundo pour notre rédaction. Ces Burundais refoulés à partir du Rwanda, leur ambition est de retourner pour récupérer leurs biens qu'ils y ont laissés, notamment les récoltes de ceux qu'ils avaient semés. Marie Aïcha Kiyé est l'un des refoulés qui crie à l'aide humanitaire d'urgence. Cette femme venait de passer 12 ans au Rwanda. Elle est veuve. Elle indique qu'elle est rentrée main vide au moment de ce refoulement et n'a pas de maison, raison pour laquelle elle demande aux bienfaiteurs de lui fournir un sheeting et des vivres. Les autorités provinciales de Kirundo indiquent être à l'œuvre pour trouver de l'aide humanitaire pour ces refoulés. Gérald Ngabonziza, conseiller principal du gouverneur de Kirundo, tranquillise et fait savoir que les bienfaiteurs vont bientôt venir en aide aux victimes de ce refoulement. Je dirais qu'ils sont dans une situation qui n'est pas bonne puisqu'ils sont rentrés main vide. Il y a des gens qui venaient de passer plus d'une année, 3 ans, jusqu'à même à 20 ans. Vous comprendrez qu'il y a des personnes qui sont dans une situation très critique. Mais nous avons demandé à l'administration communale et collinaire de voir comment les aider dans les premiers jours, surtout en collectant quelques vivres, 1 kg, 2 kg de vivres, haricots, surtout que pendant cette saison, nous voyons que nous aurons quelque chose. Concernant l'administration provinciale, nous sommes en train de toquer de part et d'autre, par exemple au niveau du PAM, au niveau du ministère des droits de la personne humaine, pour voir comment on peut venir en secours avec ces refoulés qui rentrent main vide. Il y a la question de l'octroi des documents qui permettraient à ces Burundais refoulés de retourner au Rwanda pour récupérer leurs biens. Le conseiller principal du gouverneur de Kirundo Kirundo indique que c'est une question qui devrait être traitée au haut niveau. C'est pas facile. Selon les informations que nous recueillons, on les oblige d'aller chercher des laissez-passer. Et sachant le prix de ce document, avoir l'état dans lequel il se trouve, je pense que ça, c'est une question que nous allons soumettre aux échelons supérieurs pour voir comment trouver solution à cette question. Depuis samedi de la semaine dernière, la province de Kirundo a déjà accueilli 1349 personnes refoulées du Rwanda, dont 29 qui sont entrées ce mercredi sur le sol burundais en passant par le poste de la police désert des frontières des étrangers Gasenyi Nemba. Depuis Kirundo, Evariste Ndikobanyanga, Radio Isanganiro. Merci Évariste, ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. J'ai bénéficié de la complicité technique d'Eric Ouimana, je lui dis merci. Jean Bosco Douimana au micro. Merci d'être fidèle à nous. Restez à l'écoute de notre programme.